fait chaud. Faut tout arrêter, bro. Ça fait 3 mois que ça marche pas, ni à Golf Flash, ni dans les autres michetous. Tu sais qu'il faut arrêter, bro. L'énergie nucléaire. Et bientôt il y aura 13 nouvelles centrales. Mais c'est quoi, spoiler alerte, hein? Attends, tu sais quoi, t'es pas prêt, assieds-toi. T'as vu, tu vois, toutes les vieilles, quand il fait chaud, on les arrête. C'est-à-dire en juin, en fait, hein? Ok, alors, assieds-toi. Alors, le projet pour les 13 prochaines, eh ben c'est pareil. En juin, eh ben on les arrêtera aussi. Eh ben oui. Eh ben parce que l'eau elle est chaude, eh ouais. Et l'eau, et le feu ça brûle, et l'eau ça mouille, c'est un truc de fou, hein. Non, c'est un truc de malade. Et alors en milliards, tu sais combien? Vas-y, non mais dis pas de chiffres, ouais. Et bien. Presque. Mais beaucoup plus. Et puis on s'est fâché hein, avec les Africains, ils nous aiment plus. Ah, je sais pas pourquoi. Ouais, bof, on s'est tendu. La diplomatie, ouais, bof. Bah, après, Macron, il a viré tous les diplomates aussi. Alors, il n'y a plus qui parle. Il parle pas bien, hein. Non. Nous, ils se fâchaient, nous, déjà. Mais c'est ça le plan, hein. C'est 13 trucs et 2 juin. Bah, c'est sûr, hein, franchement. Je veux dire, aujourd'hui, il fait un peu chaud, et demain, bon, a priori, c'est prévu qu'il fasse un peu plus chaud. Et aujourd'hui, on les arrête en juin, donc les 13 prochaines, bon, allez, juin, allez. Et puis, nos glaciers aussi, donc plus trop, finalement, nos glaciers, bah... Enfin bon, ça va bien se passer, les gars, c'est bon. Vas-y, achète. Ils ont des bonnes idées. Et puis ils nous aiment bien. Et puis ils nous aiment bien. Now testify. Now testify, what did you saw today? Qu'est-ce que t'as vu? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais de la vie qu'il se passe en vrai? Qu'est-ce que tu en sais, mon ami? Des gros sauvés. déjà rentré. Il te prend. Il t'a demandé où t'es. C'est pour la raison, tu sais. C'est pour la responsabilité. C'est pour la stabilité des marchés. C'est plus simple si tu te dis. Si tu comprends que c'est mieux pour toi et on t'a à peine expliqué. Maintenant c'est le temps de hocher la tête. Les autres, c'est le danger. Les pougnous, les arabes, les gauches, c'est pareil. Pougnous, les arabes, la gauche, c'est pareil. Attention, attention, attention, on a raison. C'est simple. Non, attention, n'écoute pas les autres. Attention, c'est le danger. Ils ont écrit un programme de temps. Attention, c'est... Ils veulent même pas renverser des institutions sans même pas de cas. Pour raison, le NPA est plutôt sans loin de son. Grâce à Mélenchon, le bouffon, on aura toujours raison, même si il devait gagner. On serait toujours couvert, tu sais. L'envergure, pourquoi tu travailles? Le capital n'est pas trop taxé. Le travail, deux fois plus, personne ne le sait. Si t'es né héritier et que tu touches 100 euros tous les mois, tu donnes 20 euros à l'État. Si tu t'es cassé le dos, donneras 50 balles la moitié, t'es crevé. Et personne n'en parle, la responsabilité. Chut, chut. Faut bien travailler. Allez, toi tu t'emballes, je te pète. Bientôt un flic, une balle, c'est l'heure, tu le sais. Y'a pas besoin de faire semblant. Ça monte tout doucement. Et Nicolas Houpé, Nicolas Héritier, Nicolas. Allez, ben nique-toi. De quoi tu parles là, Nicolas? Et tu payes de quoi? Toi-même tu sais, le patron c'est pas ce que tu crois. Comme si il voulait t'aimer. Allez, manif du MEDEF, il y aura 1200 gars. Si on se les fait tous, on est roi. Allez, vivement, moi je crois. La prochaine mêlée du mandat, il y aura 1200 gars. Si on se les fait tous, on est roi. Il ne tarde que ça. Le chantage c'est fini là. Le CAC 40, qu'est-ce que tu crois? Putain, c'est le premier budget de l'État. Pas la santé, non. Pas l'éducation. Pas la sécurité. Pas l'armée, non. Les gros patrons. Ouvre les yeux, c'est le hold-up. Vas-y, travaille bien. La méritocratie, putain. Allez, vas-y, vas-y, travaille bien. Crétin. Vas-y, travaille bien. Vas-y, vas-y. La méritocratie, mon ami. Travaille bien. tellement aimé ce moment ensemble. Together, ensemble. J'ai tellement aimé ce moment ensemble. J'ai tellement aimé ce moment ensemble. J'ai tellement aimé ce moment. Ladies and gentlemen, I will leave you around here. With so cool and peach, I will leave you around here. I never did die. like the guy who called me like every day. Before you gonna get to the good of the day. Come on, I get it, got it, got it, got it, got it, got it, got it. Oh my god. Carrie.